Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Voici la leçon 37. La phrase clé aujourd'hui est... Fujisan wo mitari, o sushi wo tabetari shimashita. J'ai fait plein de choses, comme observer le mont Fuji et manger des sushis, et ainsi de suite. Le personnage principal de notre sketch est Anna, une étudiante internationale originaire de Thaïlande. Anna est rentrée de Shizuoka et elle est de retour à son dortoir à Tokyo. Anna raconte son voyage à la mère du dortoir. Écoutons le sketch de la leçon 37. La phrase clé est... Fujisan wo mitari, o sushi wo tabetari shimashita. J'ai fait plein de choses, comme observer le mont Fuji et manger des sushis. Et ainsi de suite. Yoko wa dou datta? Fujisan wo mitari, o sushi wo tabetari shimashita. Tanoshikatta desu. Sore wa yokatta wa ne. Laissez-moi maintenant vous expliquer le sketch. La mère du dortoir a demandé à Anna. Ryoko wa dou datta? Comment était ton voyage? Ryoko signifie voyage. Wa est la particule qui indique un sujet ou le marqueur de sujet. Do signifie comment. C'est une interrogation qui vise à demander à la personne qui écoute comment vont les choses pour elle ou ce qu'elle a l'intention de faire. Datta est la forme familière de deshita qui conclut une phrase au passé. Il s'agit d'une question. Il faut donc prononcer cette phrase en haussant l'intonation. Exerçons-nous. Ryoko wa dou datta? Anna répond. Fujisan wo mitari, o sushi wo tabetari shimashita. J'ai fait plein de choses, comme observer le mont Fuji et manger des sushis, et ainsi de suite. C'est notre phrase clé aujourd'hui. Dans cette phrase, on retrouve deux fois le mot tari. Vous êtes très observatrice, Mélanie. Tari est employé lorsqu'on donne des exemples tirés d'un certain nombre d'actions. Dans ce cas-ci, Anna cite deux exemples. Elle a observé le mont Fuji et elle a mangé des sushis parmi un certain nombre de choses qu'elle a faites à Shizuoka. Je vois. Fuji-san signifie mont Fuji. O est une particule qui indique l'objet d'une action. Le verbe mimasu signifie observer, regarder. Sa forme en ta est mita, observer, regarder. On remplace ri après et on dit mitari. On ajoute « ri » après « mita », observer, et on dit « mitari ». Je comprends. En effet, c'est la même chose pour « o sushi wo tabetari ».« O sushi » signifie « sushi », du poisson cru sur du riz froid vinaigré. Le terme honorifique « o » devant « sushi » ajoute une marque de politesse au mot. La particule suivante « o » indique l'objet d'une action. « Tabetari » est composée de la forme en « ta » du verbe « tabemasu ». Manger, qui est tabeta, manger, et li. Shimashita est la forme au passé de shimasu, faire. Écoutons de nouveau la phrase clé aujourd'hui. J'ai fait plein de choses, comme observer le mont Fuji et manger des sushis. Fujisan wo mitari, o sushi wo tabetari shimashita. Anna poursuit. Tanoshikatta desu. J'ai passé un bon moment. Plus littéralement, c'était amusant, c'était agréable. Tanoshikatta signifie « j'ai passé un bon moment, je me suis bien amusé ». C'est la forme au passé de l'adjectif tanoshi, agréable, charmant, amusant, plaisant. Des est une expression polie que l'on place à la fin d'une phrase. La mère du dortoir répond « Sore wa yokatta wa ne ». Je suis heureuse d'entendre cela. Plus littéralement, c'était bon. Sore signifie « cela ». Dans le cas présent, il fait référence à ce que la personne qui écoute vient d'entendre de la part du locuteur. Wa est le marqueur de sujet. Yokatta signifie était bon. C'est la forme au passé de l'adjectif i, bon. Wa dans wa ne est employé par une femme lorsqu'elle veut adoucir ses propos. Les personnes âgées l'utilisent plus souvent que les jeunes. Ne est une particule que l'on utilise à la fin d'une phrase. Elle marque l'empathie manifestée par la personne qui écoute envers ce que vient de dire le locuteur. Si celui qui écoute est un homme, il n'utilisera pas « wa ». Il dira simplement « それはよかったね ». Mais hommes et femmes peuvent dire それはよかったね。 Écoutons de nouveau le sketch de la leçon 37. Notre phrase clé aujourd'hui est... 富士山を見たり、お寿司を食べたりしました。 J'ai fait plein de choses, comme observer le mont Fuji et manger des sushis, et ainsi de suite. Passons à notre rubrique Enseignez-nous, professeur. La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Veuillez nous expliquer plus en détail comment on cite en exemple en utilisant tali. Demandons à notre professeur. Lorsque l'on cite deux ou trois choses en exemple, parmi un certain nombre d'actions, on utilise la forme en ta des verbes et l'on ajoute li après chaque verbe en ta successivement. À la fin, on conclut la phrase en utilisant します faire, しました a fait ou したいです vouloir faire. Dans notre sketch, par exemple, Anna a fait plein de choses à Shizuoka. Elle en cite deux. C'est-à-dire le fait qu'elle a observé le mont Fuji et qu'elle a mangé des sushis et les mentionne à la mère du dortoir. Lorsqu'elle parle du mont Fuji, elle emploie la forme en ta du verbe mimasu, observer, regarder, qui est mita. Puis elle lui ajoute li et dit mitai. Lorsqu'elle parle des sushis, elle utilise la forme en ta de tabemasu, manger, qui est tabeta. Puis lui ajoute li et dit tabetari. La phrase complète, j'ai fait plein de choses comme observer le mont Fuji et manger des sushis, se dit Fuji-san wo mitari, o sushi wo tabetari shimashita. Anna a fait ces choses et beaucoup d'autres durant son voyage. Si on emploie tari pour dresser une liste de ce qu'on fait ou a fait, on peut laisser entendre que l'on fait ou a fait d'autres choses également. Tari joue également un rôle différent. Si l'on dresse la liste d'un ensemble d'actions ayant des effets contraires en utilisant tari, on exprime ainsi que l'on a effectué ces actions à de multiples reprises. Par exemple, je vais et reviens à plusieurs reprises se dit Ittari kitari shimasu. Je l'allume et l'éteins à plusieurs reprises c'est Tsuketari keshitari shimasu. C'était notre rubrique Enseignez-nous, professeur. Voici maintenant notre rubrique mots descriptifs des sons. Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. Heto heto. Heto heto, la personne qui dit cela est certainement très fatiguée. On dit heto heto lorsque l'on est vraiment épuisé et qu'on se sent faible. On dit cela par exemple lorsqu'on est fatigué après une longue journée. Kta kta. On dit également kta kta lorsqu'on est totalement épuisé et qu'on sent qu'on n'a plus d'énergie. On dit également cela lorsqu'on fait bouillir quelque chose au point où cela devient informe et mou. Rien qu'à entendre ces mots, je me sens épuisé. Il existe aussi une autre expression. Guttari. Guttari. Décrit l'état d'une personne qui a perdu sa forme en raison de la fatigue ou d'une maladie. On dit que l'on est guttari en raison d'une forte fièvre. Dans notre rubrique mots descriptifs des sons, aujourd'hui, nous vous avons parlé de... Heto heto, kta kta, guttari. Avant de conclure, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est notre rubrique les tweets d'Anna. J'ai ramené comme souvenir de Shizuoka à la mère du dortoir des biscuits au thé vert. Ça n'a pas été facile de choisir. Il y avait des bonbons au thé, des chocolats au thé et bien d'autres choses. Les Japonais développent divers cas de souvenirs avec passion. La leçon 37 vous a plu? La phrase clé aujourd'hui était... Fuji-san wo mitari, o sushi wo tabetari shimashita. J'ai fait plein de choses, comme observer le mont Fuji et manger des sushis, et ainsi de suite. Dans la prochaine leçon, quelque chose d'exceptionnel arrive à Anna, qui est habituellement en bonne santé. Soyez au rendez-vous pour cette prochaine leçon.